Yesterday, I tried to explain Samisa and Niramisa, different kinds of feelings, unpleasant with sensual pleasure, unpleasant without sensual pleasure, pleasant with sensual pleasure, pleasant without sensual pleasure, neutral with sensual pleasure, neutral without sensual pleasure. So these are feelings, vedana. Hier, j'ai essayé de vous expliquer Samisa et Niramisa, les différentes sortes de sensations. Je vous ai parlé de la sensation désagréable associée au plaisir sensuel, de la sensation désagréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel, de la sensation agréable associée au plaisir sensuel, de la sensation agréable qui n'est pas associée au plaisir sensuel, de la sensation neutre associée au plaisir sensuel, de la sensation neutre qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Ce sont là les différents types de sensations, les vedanas. Sukha vedana, la sensation agréable, dukkha vedana, la sensation désagréable, upekkha vedana, la sensation neutre. J'ai essayé de vous expliquer comment vous expérimentez les sensations qui ne sont pas associées au plaisir sensuel au moment où vous pratiquez Vipassana. Au moment du rapport, au moment de l'entretien, les yogis ont expliqué leurs expériences de sensations désagréables. Je pense donc qu'il est nécessaire d'expliquer en quoi consiste la sensation désagréable. Il faut que le yogi comprenne pourquoi il est nécessaire qu'il observe attentivement la sensation désagréable. Si le yogi ne sait pas pour quelle raison on lui demande d'observer la sensation désagréable, il est possible qu'il se lasse, qu'il ne désire plus les observer, qu'il ne désire pas les expérimenter, qu'il ait de l'aversion pour ces sensations désagréables. Par contre, s'il sait pourquoi il doit les observer, il fera plus d'efforts. Il ne se plaindra pas, il ne les ignorera pas, en recherchant par exemple d'autres sensations. Vous le savez, la pratique de Vipassana, c'est observer attentivement tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit, aussi porte sensorielle. Si donc la sensation désagréable devient prédominante, c'est elle qui devient objet d'attention. Si vous l'observez attentivement, vous pourrez expérimenter ce dont il a été question hier dans l'enseignement. Avant-hier, je vous ai parlé des 5 qualités du yogi. La confiance, la santé, l'honnêteté, l'effort. Mais j'ai oublié de mentionner la dernière. Voir la nature des apparitions et des disparitions. Mais par contre, je vous ai expliqué comment le yogi qui est très attentif expérimente spontanément les apparitions et disparitions. Voir les apparitions et disparitions, c'est la dernière des qualités du yogi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les sensations désagréables. Tout simplement parce que vous les avez expérimentées très souvent dans votre pratique. Le Bouddha explique qu'il y a 3 caractéristiques. La sensation désagréable se dit dukkha en pali, dukkha vedana. Lorsqu'on pratique vipassana, nous devrons comprendre l'une des 3 caractéristiques. La première de ces caractéristiques, c'est anicca, l'impermanence. Nous devons investiguer pour expérimenter par nous-mêmes anicca, l'impermanence. Ces sensations changent-elles vraiment? Nous devons expérimenter cela par nous-mêmes. La deuxième caractéristique, c'est dukkha. Nous devons également investiguer pour voir si dukkha est une réalité. La troisième caractéristique, c'est anatta. Nous devrons également observer attentivement et expérimenter cela par nous-mêmes. Il faut que nous comprenions, que nous réalisions au moins une des caractéristiques, car si on en expérimente une, les deux autres le seront automatiquement. C'est pourquoi aujourd'hui je vais poursuivre mon explication des sensations désagréables. Je vais essayer de vous expliquer tout cela à partir de votre propre expérience. Nous sommes des putujana, des êtres ordinaires, et nous aimons voir, entendre, sentir, toucher. Nous nous complaisons dans les objets agréables. Nous n'aimons pas les objets désagréables. Les instructions nous demandent d'observer très attentivement tout ce qui apparaît dans le corps et dans l'esprit, tout ce qui se manifeste aussi porte sensorielle, à commencer par les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Dès qu'il y a une image ou un objet visible, on note respectueusement voir. S'il y a un son, on note entendre, une odeur, sentir, un goût, goûter, un objet tangible, toucher. On note donc attentivement les objets. Mais il y aura souvent des objets désagréables. Et bien souvent, nous n'aimerons pas le son, nous n'aimerons pas l'image, nous n'aimerons pas l'odeur, nous n'aimerons pas le goût, nous n'aimerons pas la sensation tangible. Par exemple, s'il fait froid, nous n'aimons pas avoir froid. S'il fait chaud, nous n'aimerons pas non plus cette chaleur. Les objets ne seront donc pas toujours plaisants. Lorsqu'on parle des sensations désagréables, il ne s'agit pas seulement des douleurs physiques comme les engourdissements, les sensations de picotement. Il s'agit également des sensations désagréables mentales. Les premières, les sensations désagréables physiques, sont appelées kayika dukkha en pali. Les sensations mentales désagréables sont appelées chetasika dukkha. Vous les avez expérimentées dans votre pratique. Parfois, vous vous êtes senti énervé, déprimé. Parfois, il y a eu de la peur, de la colère. Tout cela, ce sont les sensations mentales désagréables. Elles sont dukkha. En général, les sensations désagréables physiques sont très claires. Lorsque vous expérimentez la fatigue, des sensations de pression, de torsion, tout cela, ce sont les sensations physiques désagréables. Lorsque vous n'aimez pas l'un ou l'autre des contacts sensoriels, comme par exemple le son, l'image, le goût, l'odeur que vous expérimentez, la colère ou le mécontentement vont se manifester dans votre esprit. Cette colère, ce mécontentement sont chetasika dukkha. Toutes ces types de dukkha, toutes ces formes de dukkha dont il vient d'être question sont appelées dukkha dukkha, la souffrance intrinsèque. Dans la vie, si nous avons ce que nous voulons, nous serons heureux. Par exemple, nous avons une vie de famille agréable. Nous expérimentons alors le bonheur. Mais si nous devions perdre ces choses, si nous devions perdre nos biens, nous serons tristes. Ce bonheur se transforme alors en malheur. Si nous voyons un objet agréable, nous sommes heureux. Mais si cet objet devait disparaître, ou si nous devions le perdre, ce bonheur se transformerait en malheur. Ce type de souffrance s'appelle en pali viparinama dukkha. C'est la souffrance due au changement. En tant que pratiquant, vous expérimentez souvent viparinama dukkha, la souffrance due au changement. Imaginons par exemple que vous soyez occupé à noter attentivement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous réussissez à maintenir votre esprit sur l'objet. Votre esprit adhère à l'objet et vous êtes satisfait. Par contre, si vous ne réussissez pas à maintenir votre esprit sur l'objet, vous êtes découragé. Parfois, lorsque la concentration est forte, il est possible que le méditant voit certaines images agréables. Ces images agréables vont faire surgir la joie. Par contre, si l'image qui lui vient à l'esprit est désagréable, comme par exemple des cadavres, des squelettes, des visages hideux, tout cela est possible lorsque la concentration est forte. C'est la peur qui va apparaître dans son esprit. Tout ceci, ce sont des exemples de Viparinama Dukkha, la souffrance due au changement. Lorsque vous faites un effort et que vous notez tout ce qui apparaît à chaque instant dans le corps et dans l'esprit, et que vous êtes capable de voir les apparitions et disparitions constantes des phénomènes, vous expérimentez Niramisa Upekkha, la sensation qui n'est ni agréable ni désagréable et qui n'est pas associée au plaisir sensuel. Vous expérimentez donc parfois des sensations désagréables très clairement, des douleurs, des engourdissements, des picotements. Tout cela, vous le voyez très clairement. Vous expérimentez également des sensations agréables. Vous pouvez tout noter. Et tout cela est très clair. Je vous ai expliqué hier que lorsque l'attention se développe, que le méditant devient capable de tout noter facilement, la joie va apparaître en lui. Et entre ces deux sensations, la sensation désagréable et la sensation agréable, vous expérimentez la sensation neutre. Tout cela fait partie de Sankhara Dukkha, la souffrance due aux formations. Il y a donc trois sortes de Dukkha. Dukkha Dukkha, la souffrance intrinsèque, Viparinama Dukkha, la souffrance due au changement, et Sankhara Dukkha, la souffrance due à Nama et à Rupa. Quand on pratique de façon diligente la méditation vipassana, on sera automatiquement amené à expérimenter ces trois types de dukkha. On comprendra alors en profondeur l'enseignement du Bouddha qui nous parle des trois caractéristiques des phénomènes. Même si nous n'avons pas encore expérimenté Sankhara Dukkha dans notre pratique, nous avons déjà expérimenté les deux premières formes de dukkha. Ce n'est pas facile d'expérimenter Sankhara Dukkha. Il faut pour cela que l'attention soit devenue très forte. C'est la raison pour laquelle les méditants sont encouragés à poursuivre leur effort, à continuer à développer l'attention. Ils doivent essayer de l'emmener partout avec eux, dans la marche, dans l'assise et dans les activités quotidiennes. S'ils ne fournissent pas un puissant effort pour développer l'attention, il ne sera pas possible d'expérimenter Sankhara Dukkha. Nous avons donc déjà expérimenté Dukkha Dukkha et Viparinama Dukkha, mais ce n'est pas suffisant pour se détacher. Nous serons cependant intéressés à expérimenter les différentes sortes de dukkha. Avec l'attention, l'esprit va devenir calme, il va devenir paisible. Lorsque on expérimente un plaisir sensuel, on est également heureux, mais il y a une différence entre ces deux bonheurs. Le premier, le bonheur que procure l'attention, le calme et la paix que nous expérimentons lorsque l'esprit est attentif, c'est un bonheur qui n'est pas associé au plaisir sensuel. Le deuxième, c'est un bonheur qui est associé au plaisir sensuel. Lorsqu'on expérimente le bonheur qui n'est pas associé au plaisir sensuel, on expérimente également la sagesse. Vous pourrez comprendre l'esprit et la matière. Vous pourrez comprendre les causes et les effets lorsque votre attention sera devenue très forte. Vous avez expérimenté ces différentes sortes de sensations. Vous avez expérimenté des sensations agréables, des sensations désagréables et des sensations neutres. Lorsque vous expérimentez ces sensations, vous comprenez en quoi consiste le bénéfice de la pratique de Satipatthana. Satipatthana est le seul chemin, nous dit le Bouddha, pour la purification des êtres. C'est le premier bénéfice. Et vous l'expérimentez. Lorsque vous êtes très attentif, vous pouvez constater que votre esprit est calme, paisible, parce qu'il n'y a pas d'impureté dans l'esprit. Vous expérimentez alors le premier bénéfice, et vous l'obtenez immédiatement, au moment précis où vous êtes attentif. Une des qualités du Dhamma, c'est de sandhetiko, à réaliser par soi-même. Lorsque vous pratiquez la méditation vipassana de façon diligente, en suivant les instructions, il est possible qu'au début, vous réalisiez la nature de l'esprit. La nature de l'esprit, c'est qu'il vagabonde tout le temps. Il n'est pas facile à contrôler. Il est toujours distrait. Au début, vous allez expérimenter la nature de l'esprit. Vous allez alors poursuivre votre effort. Votre attention va se développer. Elle va devenir puissante et vous deviendrez calme. Vous pourriez penser qu'il n'est pas possible de rester toujours aussi calme, toujours aussi attentif. C'est vrai qu'au début de la pratique, il y avait beaucoup de pensées, et ces pensées, en général, étaient non sages. Elles étaient associées au plaisir sensuel. Mais maintenant que votre pratique s'est développée, que vous avez fourni l'effort pour tout noter attentivement, ce type de pensée associée au plaisir sensuel n'apparaît pas autant qu'au début. Vous aurez moins de distractions. Et s'il y a des pensées, elles seront sages. Elles seront associées au Dhamma. Vous penserez, par exemple, à des points de la doctrine. Vous vous sentirez de la dévotion. Vous vous verrez peut-être enseigner le Dhamma à vos amis. Tout cela, ce ne sont pas des pensées négatives. Ce sont des pensées positive associée au Dhamma. C'est pourquoi il est très utile de développer l'attention, même si nous n'avons pas encore atteint l'illumination. Plus nous serons attentifs, mieux nous contrôlerons nos actes. Il y a trois sortes d'actes, les actes physiques, les actes verbaux et les actes mentaux. Parfois, nous aurons des pensées non sages, agressives. Si nous ne les contrôlons pas, elles vont obligatoirement entraîner un acte physique ou vocal négatif. Mais si nous pouvons contrôler nos pensées, nous éviterons de mal nous conduire physiquement ou verbalement. Lorsqu'on pratique Vipassana, il faut noter tout ce qui se manifeste. Comme nous sommes encore des Putujana, il est inévitable que les pensées apparaissent. Nous devrons les noter. Nous devrons les noter dans le but de voir qu'elles disparaissent. Si une nouvelle pensée apparaît, nous devons de nouveau la noter pour la voir disparaître. De cette façon, nous deviendrons progressivement capables de les voir apparaître et disparaître constamment. Cela, c'est contrôler l'esprit. Nous sommes conscients lorsqu'il y a une pensée non sage dans notre esprit, nous sommes conscients lorsqu'il y a une pensée sage. Mais qu'elle soit sage ou non sage, nous devons la contrôler, nous devons la noter. Si nous pouvons noter les pensées, nous éviterons de nous nuire à nous-mêmes et aux autres. Nous devons donc développer notre attention de façon à tout noter, que les pensées soient positives ou négatives. Le but, c'est de voir les apparitions et disparitions. Si nous réussissons à tout noter, notre esprit va se calmer. Si nous pratiquons de façon diligente, nous pourrons éliminer toutes les kilesas, les impuretés. Lorsque ces kilesas, ces impuretés se manifestent dans l'esprit, nous devons les noter. Il y a trois sortes de kilesas. Les premières, ce sont les plus difficiles à percevoir. Ce sont les kilesas, les impuretés latentes. Les deuxièmes, ce sont les kilesas du premier niveau, grossières. Et les troisièmes, ce sont les kilesas du deuxième niveau, les kilesas moyennes. Nous allons progressivement éliminer toutes ces kilesas au cours de notre pratique jusqu'au jour où nous atteindrons l'état d'arhat et là, toute forme de kilesa aura définitivement disparu. That's enough for today. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.